Ceci est une lecture de léa.audiocité.net. La vie de Saint-Eusis Abbé, patron et fondateur de la ville de Selembéry, avec approbation des docteurs, 1708. L'an de notre Seigneur 465, sous le règne de Childéric Ier du nom, fils du grand Clovis, Saint-Eusis vint au monde dans un village du Périgord, appelé Jumilhac, de parents nobles chassés par le roi Évaric, prince arien de la ville de Saragosse en Espagne, où ils avaient pris naissance. Les parents de notre saint, dans cette disgrâce commune, furent bannis pour la foi. Le père s'appelait Marcel et la mère Benoîte. Benoîte, s'étant un jour endormie dans un profond sommeil lorsqu'elle était enceinte, eut une vision pendant laquelle il lui sembla qu'un ange lui disait ces paroles. « Benoîte, l'enfant que vous portez est élu de Dieu pour être la bénédiction de votre maison et la consolation de plusieurs. Vous l'appellerez Eusis, et lui-même prononcera son nom lorsqu'au baptême on voudra lui en donner un autre. » Cette pieuse femme, s'étant éveillée bien joyeuse, courut aussitôt dire à son mari ce qu'elle avait vu et les promesses qui lui avaient été faites, auxquelles Marcel ne fit pas pour lors grande attention. Peu de jours après, Benoîte accoucha heureusement d'un fils, mais ayant à peine des langes pour l'envelopper, elle ne put contenir ses larmes, se voyant réduite à cette misère. Elle se consola néanmoins dans la confiance qu'elle avait en Dieu. Son père, le voulant faire baptiser, pria plusieurs de ses voisins de le tenir sur les fonds, mais tous s'en excusèrent, soit qu'ils eussent affaire ailleurs, ou que la pauvreté leur fit craindre qu'ils ne fussent chargés du soin de son éducation. Ce refus ne fut pas une petite mortification à Marcel, qui, pour être déchu de sa fortune, n'avait pas oublié sa naissance. Néanmoins, faisant vertu de la nécessité où il était réduit, il prit patience et attendit encore 5 ou 6 jours. Alors un bon prêtre appelé Eugène, qui avait soin de la paroisse ayant su le refus des voisins, voulut être le parrain de l'enfant, et l'ayant fait porter à l'église, il lui administra le sacrement du baptême, au grand contentement de ses parents. Mais le prodige qui arriva dans cette occasion augmenta beaucoup leur joie. Car lorsque le prêtre voulut lui donner son propre nom, Dieu, déliant miraculeusement la langue de l'enfant, il dit tout haut « Mon nom est Eusis ». Le bon prêtre, bien étonné de cette merveille, en rendit la gloire à Dieu et apprit que la mère avait eu révélation de tout cela avant que d'accoucher. Cet événement extraordinaire attira si fort le cœur et l'affection du prêtre Gène envers eux que depuis il les assista avec autant de soin qu'ils eussent été ses proches. Cependant, Eusis croissant en âge, en grâce et en esprit, les parents prenaient aussi grand soin de l'élever en la vertu. D'ailleurs, le bon prêtre Gène, qui le chérissait tendrement, prit un soin singulier de l'enseigner et de former dans son âme toutes les vertus dont il était capable. Aussi le saint enfant, conformément à son nom d'Eusis qui signifie « soif » au désir du bien, fit de si grands progrès dans la voie du salut, que tout le monde le regardait déjà comme un saint. Ses pères et mères le voyant profiter de jour en jour, en la perfection, en avaient une extrême joie, mais qui fut bientôt troublée par le décès du bon prêtre Gène, car à peine fut-il dans le tombeau que cette famille désolée commença à ressentir les misères de la pauvreté, qu'elle supporta néanmoins avec une grande confiance. Dieu, voulant aussi les consoler, fit paraître les grâces qu'il avait communiquées à leur fils, car ayant permis qu'un diable possédât et tourmentât cruellement un jeune garçon, fils d'un homme riche, compagnon du saint et environ de son âge, par la bouche duquel ils formaient plusieurs voix ensemble qui donnaient beaucoup de frayeur, le saint le fit mener à l'église, où ayant fait la prière et le signe de la croix sur le possédé, le démon sortit devant toute l'assemblée, qui bénit Dieu d'une telle merveille. Or, quelque temps après, une cruelle peste était survenue dans le Périgord, laquelle fut suivie de la famine. Les parents de Saint-Eusis furent contraints d'en sortir pour chercher leur vie ailleurs. Ayant donc passé à Limoges, puis à Bourges où ils trouvèrent que la disette n'était pas moindre, ils arrivèrent avec bien du péril vers Romorantin, parce que les voleurs, aussi bien que les bêtes sauvages, couraient les chemins. Enfin, ayant appris qu'il y avait proche une abbaye appelée Patrice, où l'on faisait tous les jours de grandes aumônes aux passants et aux pèlerins, ils y allèrent dans l'espérance de recevoir aussi la charité. Ce monastère était alors gouverné par un saint personnage appelé Séverin qui avait tant d'amour pour les pauvres qu'il en avait commis le soin à un de ses religieux nommé Léo Débin. Les parents de Saint-Eusy s'étant donc présentés avec les autres pauvres pour recevoir l'aumône, le procureur, qui ne les avait pas encore vus, connut à leur extérieur qu'ils étaient étrangers, ce qui l'obligea de les interroger d'où ils étaient et de la cause de leur venue. Étant satisfait de leur réponse et encore plus de leur modestie, il leur donna l'aumône, et étant rentré dans le monastère, il raconta à son abbé ce qu'il avait appris de ces étrangers, et comme ils avaient avec eux un fils de très bon air. Le saint abbé se sentit aussitôt touché du désir de le voir. On lui amena, il le vit, et l'ayant interrogé, il en reçut des réponses si pleines de jugement qu'il en demeura très satisfait. Le saint jeune homme lui dit entre autres choses qu'il croyait avoir tant d'obligations à ses pères et mères que pour les assister en leur pauvreté, il se vendrait volontiers. En même temps, il le supplia de le recevoir au nombre des serviteurs de la maison, afin que par ce moyen il pût secourir ceux desquels il avait reçu la vie. L'abbé, surpris de cette résolution et admirant les grâces que Dieu avait mises en ce jeune homme, reconnut évidemment l'explication d'un songe qu'il avait fait la nuit précédente. Car ce saint abbé, ayant dessein de faire une belle croix pour orner son église, s'imagina en dormant qu'un pauvre lui présentait à vendre une très belle pierre précieuse, plus éclatante et plus riche que les autres, dont il voulait embellir la croix, et ayant le lendemain su la venue de ces étrangers et surtout de leur fils, il désira de le voir, et, le voyant, il connut que c'était cette pierre précieuse qu'on lui avait présentée, et que cet enfant serait un jour l'ornement de la maison et de l'église. C'est pourquoi il en parla à ses religieux, et de leur consentement il le reçut dans le monastère, achetant pour serviteur celui qu'il a pris par révélation divine de voir être un jour son successeur. Étant ainsi reçu, l'abbé Saint-Séverin fit donner aux parents de notre saint tout ce qui était nécessaire pour leur entretien, en considération du jeune Eusis, qui fut d'abord mis pour servir à la cuisine. Et on lui recommanda la fidélité et l'obéissance. Dans cet office, quoique bas et ravalé, il commença de jeter des rayons de vertu, qui furent assez éclatants pour éblouir les autres serviteurs de la maison, en sorte que, jaloux de voir que par son humilité il se faisait aimer et chérir des maîtres, ils lui firent 1000 affronts et lui imposèrent des calomnies atroces, à dessein de le faire chasser du monastère. Toutefois, le saint souffrant avec patience toutes ces injures, parce qu'il avait pris Dieu pour son protecteur, ne laissa pas de continuer ses devoirs avec beaucoup d'exactitude, en sorte que les religieux, admirant ses vertus, ne firent point de cas de tout ce qu'on lui imputait. Mais ce qui devait attirer de l'estime et de l'amour ne fit qu'irriter davantage la haine que les envieux avaient conçue contre lui. Ils brisèrent et mirent en pièces toute la vaisselle de terre qu'on lui avait confiée et qui servait aux religieux. Eusis fut plus touché de l'offense commise contre Dieu que du dessein qu'ils avaient de lui nuire en le faisant tomber en confusion, ramassa quelques pièces de cette vaisselle cassée et alla se prosterner au pied de l'autel, où, ayant épanché amoureusement son cœur et exposé son affliction aux défenseurs des innocents et opprimés, il s'en retourna à la cuisine où il trouva la vaisselle miraculeusement en son entier et le dîner des religieux aussi bien préparé que s'il y eût eu un grand feu, quoiqu'il n'y en eût eu nullement. Un miracle si signalé les devait sans doute ramener à la raison, mais comme le soleil qui amollit la scie endurcit la boue, ses esprits, craignant que l'abbé Saint-Séverin, qui connaissait ses rares mérites, ne l'élevât à quelque charge plus considérable, prévinrent l'amour cordial qu'il avait pour Eusis et lui persuadèrent artificieusement de lui donner le soin des troupeaux. L'humble et obéissant domestique reçut cette occupation avec d'autant plus de joie qu'outre qu'elle lui donnait lieu d'imiter la vie des plus grands patriarches de l'Ancien Testament et plusieurs célèbres anachorètes de la Nouvelle Loi, elle lui fournissait amplement les moyens de vivre solitaire et de s'élever à Dieu avec plus de facilité. Mais la jalousie, l'ayant cruellement attaqué dans le monastère, voulut encore aller trouver sa solitude et son repos. Car les ennemis de la vertu, surpris de ce que les troupeaux croissaient à vue d'œil sous sa conduite, tuèrent les chiens qui les gardaient, afin que la bergerie, étant destituée de la défense ordinaire, les loups pussent plus aisément y faire du dégât, et eux prendre de là l'occasion de l'accuser de négligence. Toutefois, la divine providence renversa tout ce qu'ils avaient malicieusement prémédité, et fit briller de plus en plus la sainteté de notre solitaire, qui sut adoucir le naturel carnassier de ces bêtes farouches. Car les ayant trouvés dans la bergerie, il les arrêta pour garder son troupeau au lieu des chiens qu'il croyait qu'ils eussent tués. Et ce qui n'est pas moins miraculeux, et que ces esprits fâcheux étant entrés dans la bergerie pour en enlever quelques moutons, à dessein de rendre notre saint responsable de leur perte, les loups qui les gardaient s'étant jetés sur eux les terrassèrent, et les tinrent dans ce funeste état, saisis de la crainte et des horreurs de la mort jusqu'à son arrivée. La charité du saint le fut encore davantage, parce que rendant le bien pour le mal à ceux qui lui en avaient tant fait son sujet, il les tira amiablement d'entre les dents de ces bêtes féroces. Des merveilles si surprenantes et si extraordinaires étant venues à la connaissance de l'abbé Saint-Séverin, qui savait d'ailleurs l'extrême désir qu'avait Eusis de se donner entièrement à Dieu, il résolut du consentement de sa communauté de lui donner l'habit monastique, dont il ne fut pas plutôt revêtu qu'on remarqua en lui la vertu, d'un des plus consommés dans la perfection. Jamais on ne vit un religieux plus humble, ni plus soumis. Il s'occupait de telle sorte qu'il employait les journées à s'acquitter de ses obéissances, et passait les nuits au pied des autels, où il répandait des larmes de compunction et de dévotion. Mais l'envie, toujours inquiète, fit ses derniers efforts pour vomir contre lui le reste de son venin. Et pour y réussir, elle suscita encore quelques malicieux qui persuadèrent au saint abbé Séverin de lui donner le soin de la boulangerie, dans l'espérance qu'ils avaient de trouver quelque occasion de le calomnier. Sa conduite irrépréhensible les ayant frustrés de leurs attentes, ils s'avisèrent un jour qu'il était prêt d'enfourner le pain, de lui enlever tous les instruments destinés à cet usage. Eusis, rempli d'une sainte confiance et du souvenir du pouvoir souverain de notre Dieu qui conserva les trois enfants dans la fournaise de Babylone, après s'être muni du signe de la croix, entra plusieurs fois dans le four ardent, soit pour le nettoyer, soit pour y mettre et ranger son pain, soit enfin pour le retirer sans souffrir aucun dommage. Ce grand miracle arriva à la fête de Saint-Sébastien, auquel jour l'église de Celles en fait une mémoire particulière à l'office divin. La patience de cet homme incomparable ayant été si souvent éprouvée, Dieu permit enfin que ces cœurs de Pharaon, qui n'avaient pu être touchés par tous les miracles précédents, le fussent par celui du feu. Ils furent obligés de reconnaître, à leur grande confusion, la pureté, la confiance et l'immobilité de son amour, jointe à la fidélité inviolable qu'il gardait pour son Dieu. Ils lui demandèrent pardon et furent par après les plus zélés panégyristes de sa vertu. Cependant, le cœur de Saint Eusis, brûlant du chaste amour des choses célestes, ne respirait plus que la contemplation lorsque le saint abbé Séverin, voulant reconnaître son mérite et honorer sa vertu, le fit promouvoir à l'ordre de prêtrise et lui donna ensuite le soin des affaires de son monastère, dont il s'acquitta avec tant de prudence que les biens temporels croissaient tous les jours entre ses mains. Sa charge de procureur l'obligeant à traiter avec le monde, la renommée de ses vertus commença à s'étendre, de telle sorte que plusieurs personnes venaient de toutes parts, tant pour écouter ses saintes paroles que pour obtenir par ses prières du soulagement en leurs infirmités. Mais le saint, craignant de perdre par ses fréquentes visites l'humilité qu'il désirait conserver, pria son abbé de lui permettre de se retirer en quelque lieu solitaire. Étant donc sorti du monastère, ce fut dans cette année 521 que saint Eusis, ayant goûté les douceurs de la vie solitaire, se retira dans un lieu plein de bois, de ronces et d'épines sur le bord de la rivière du Cher. Là, il s'y bâtit un oratoire et une cellule avec des branches d'arbres et de la boue, où il demeura près de 2 ans, menant une vie très austère, sans être connu que de Dieu seul. Son âme était abîmée dans la contemplation de ses grandeurs, pour la présence duquel il était toujours plein de respect, pensant continuellement aux années éternelles, couchant sur la terre ou sur la cendre, portant un rude cilice, et de peur que le trop de nourriture n'appesantît son esprit et ne l'empêchât de se nourrir des délices du ciel, il jeûnait sans cesse, se contentant de pain d'orge, ne buvant que de l'eau que la rivière du Cher lui fournissait, et s'occupant à défricher un peu de terre pour faire un petit jardin, duquel il tirait les herbes et les racines qu'il mangeait sans aucun assaisonnement pour entretenir sa vie. Et comme s'il eût été un autre Adam placé dans le paradis terrestre et se familiarisait avec les animaux les plus timides qui lui obéissaient, lors qu'il leur défendait de toucher à ce qu'il avait cultivé. Il éleva aussi dans le même lieu des abeilles, afin qu'après que la contemplation l'avait uni à Dieu par la prière, il eût de quoi s'occuper d'une manière innocente, tant par le principe de fuir l'oisiveté que pour faire la charité aux pauvres. Mais comme Dieu veut exalter les saints qui s'humilient et faire paraître ceux qui se cachent pour l'amour de lui, notre saint étant ainsi occupé dans la solitude, la Providence voulut que les pluies continuelles qui tombèrent pendant le mois de novembre enflèrent extraordinairement la rivière du Cher, qui par son débordement inonda toute la campagne. Néanmoins, par un effet de la main toute puissante de Dieu qui arrête les flots de la mer et les empêche de passer leurs bornes, l'eau, comme une muraille, entourait toute la cellule du sein, sans toutefois oser entrer dedans. De sorte que, par la vertu de notre Seigneur à qui toutes les créatures rendent obéissance, le feu et l'eau, ces deux éléments furieux, auxquels lui seul peut prescrire des limites, ne nuisirent point à son serviteur. Le feu lorsqu'il entra dans le four ardent, et l'eau lorsqu'elle l'environna de toutes parts sans submerger sa petite demeure. Notre saint, étant donc ainsi au milieu des eaux, quelques bateliers qui couraient le rivage, voyant et admirant cette merveille, furent curieux de descendre et entrer dans ce lieu qu'ils voyaient tout sec, sans en savoir la cause. Ils trouvèrent le saint dans les exercices de la contemplation, et ils allèrent publier par le voisinage ce qu'ils avaient vu. Cependant, les eaux s'étant retirées, un grand nombre de personnes allèrent trouver le saint, les uns pour avoir le bonheur de le voir, les autres pour en recevoir du soulagement dans leurs infirmités. Et alors ce glorieux serviteur de Dieu commença à faire une infinité de miracles pour la santé des malades. Il avait une grâce particulière pour guérir les tumeurs de la gorge des petits-enfants, ce qu'il faisait en invoquant la Sainte Trinité et en faisant le signe de la croix sur le malade qu'il touchait doucement. Il disait agréablement à ce sujet qu'il était bien juste que la gorge fût affligée de plusieurs maux, puisqu'elle était l'instrument de notre intempérance. Il bénissait aussi de l'eau dont ceux qui étaient travaillés de fièvre carte n'avaient pas plus tôt bu qu'ils en étaient guéris. Un homme du voisinage, après avoir été guéri un jour de ce mal par le moyen du saint, vit en retournant chez lui deux vases pleins de miel pendus à un arbre, appartenant au clerc du lieu qui était de ses disciples. La convoitise, qui est la racine de tous les maux, le porta aussitôt à les dérober, et ayant trouvé un fripon comme lui, qu'il voulut rendre compagnon de son larcin, il vint de nuit à l'arbre où pendaient les vases. Il y monta pour les prendre, tandis que son compagnon était au pied pour les recevoir, lorsque notre saint vieillard survint. Celui qui était en bas ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il s'enfuit. L'autre, qui ne voyait rien et qui n'avait rien entendu, dépendit le premier vase et le donna au saint vieillard, qui s'était mis sous l'arbre, croyant le donner à son compagnon. Comme il voulait en faire autant du second, Osis lui dit que c'était assez d'un, et qu'il fallait laisser l'autre pour avoir eu la peine de faire le miel. Le voleur reconnut le saint à sa voix et se jeta à terre de frayeur. Le saint le releva, le mena dans sa cellule et lui fit une remontrance salutaire sur sa faute, lui donna un rayon de miel et le renvoya en paix, l'avertissant de ne point récidiver parce que le larcin est le trésor du démon. Tant de merveilles attirèrent bientôt à la cellule du saint, non seulement un grand nombre de misérables pour recevoir la guérison de leur maladie, mais encore plusieurs prélats et autres personnes de qualité. De sorte que l'abbé Saint-Séverin, craignant que pour vaquer plus librement à Dieu, il n'allât se cacher en un lieu plus éloigné, ou que quelque autre monastère ne le demandât pour supérieur, il assembla les religieux et leur proposa que ne pouvant désormais à cause de son grand âge supporter les soins de la charge d'abbé, il était résolu de s'en démettre entre les mains de Saint-Eusis. Quelque temps après cette installation, le saint abbé Séverin, chargé d'années et de mérites, décéda de cette vie pour aller jouir de la gloire éternelle. Quant à Saint-Eusis, encore qu'il eût accepté la charge d'abbé, il ne laissait pas de visiter souvent sa chère solitude, tant pour converser avec Dieu et vaquer à leur raison, qu'à cause de l'affection qu'il portait en ce lieu, lequel il savait par révélation divine devoir être un jour la demeure des saints, à la place des bêtes sauvages qu'il habitait auparavant. Mais plus il se cachait et plus Dieu le faisait paraître, non seulement par les miracles qu'il faisait sur les pauvres et sur les misérables, mais encore par les excellentes vertus qui le rendirent considérable devant les grands de la terre, comme nous l'allons voir. L'an 531, Childebert Ier du nom, roi des Français, fils du grand Clovis, se trouva obligé de faire la guerre à Amalric, roi des Visigoths d'Espagne, à cause des mauvais traitements qu'il faisait à sa femme Clotilde, sœur du même Childebert. Le roi Childebert entreprit ce voyage d'Espagne avec son armée. Comme il passait dans le Blaisois, il apprit de Saint-Dié qui vivait alors les merveilles que Dieu faisait par Saint-Eusis, ce qui obligea le roi à le venir voir et parler à lui. Le saint assura sa majesté que son voyage aurait un heureux succès et qu'il remporterait sur son ennemi une glorieuse victoire. Le roi, en reconnaissance de cette heureuse prédiction, offrit de l'argent au saint, qui par le mépris qu'il faisait de toutes les richesses le refusa, suppliant sa majesté de le faire distribuer aux pauvres, ce qui fut si agréable au roi qu'il fit vœu que si Dieu le ramenait sain et sauf de cette guerre, il viendrait le revoir et ferait bâtir une église dans ce lieu où le saint faisait sa demeure, et où son corps put être mis en dépôt après son décès. Ayant donc reçu les assurances de la prospérité de son voyage et la bénédiction du saint, il s'avança avec son armée et arriva heureusement devant Tolède, qui fut obligé de se rendre après un assaut où le roi Amalric fut tué. Childebert, étant entré dans la ville, s'empara de tous les trésors qui s'y trouvèrent, et, avec un si riche butin et plusieurs prisonniers, il s'en revient glorieux en France, ramenant avec lui la reine Clotilde, sa sœur. Lorsqu'il fut arrivé dans le Berry, étant assez proche du lieu où demeurait le saint, il oublia la promesse qu'il avait faite de le revoir, et passait outre pour continuer son chemin, lorsque tout d'un coup il tomba sur ses yeux un nuage si épais qu'il croyait être aveugle. Il fut extrêmement surpris de cet accident, qui n'affligea pas néanmoins toute son armée, sur quoi quelques-uns de ses officiers plus pieux et plus sages, se ressouvenant de la promesse du roi et faisant réflexion qu'il passait outre sans l'accomplir, lui représentèrent que cet oubli était sans doute la cause d'un si fâcheux accident. En effet, le roi, ayant reconnu sa faute, n'eut pas si tôt fait tourner la bride à son cheval que le nuage se dissipa et qu'il recouvra l'usage de la vue. On montre encore aujourd'hui par tradition le lieu où ceci arriva, qui s'appelle la Mi-Voie. Étant donc ainsi plus engagé à cette visite par ce nouveau prodige, il revint voir le saint dans sa solitude, et, lui ayant raconté le bon succès de son voyage et de ses armes, il le remercia des heureux effets de sa prédiction, lesquels il attribua à ses prières, et le supplia de lui donner sa bénédiction, ce que le saint ayant fait, le roi lui fit présent de la somme de 15 livres d'or, afin de lui donner le moyen de commencer le monastère qu'il voulait bâtir en ce lieu-là. Et bien que saint Eusis, par le mépris qu'il faisait des richesses, lesquelles, comme dit saint Grégoire, il estimait aussi peu que de la boue, eût refusé les présents que le roi lui offrait à son passage, il accepta toutefois celui-ci comme une aumône et dans son besoin. Puis, remerciant sa majesté de ses libéralités, il la supplia de vouloir accorder une grâce qui serait encore plus agréable à Dieu, à savoir la liberté des prisonniers qu'elle avait amenés d'Espagne, ce que le roi lui accorda très volontiers. Toutefois, les capitaines de son armée faisant difficulté de relâcher ceux qui étaient tombés dans leur partage, saint Eusis paya leur rançon de l'argent qu'il avait reçu, et ainsi il les mit en liberté. Le roi étant parti pour continuer son retour vers Paris, saint Eusis assembla tous ses prisonniers et leur fit offre ou de s'en retourner en leur pays, et qu'il leur fournirait de l'argent pour faire leur voyage, ou de demeurer avec lui, et qu'il les traiterait comme ses frères, ce que plusieurs acceptèrent. Le saint, selon la promesse, leur fit part des biens et des terres que le roi lui avait donnés, leur assignant à chacun une partie de ce territoire, afin qu'ayant défriché la terre des bois, des ronces et des épines dont elles étaient couvertes, ils en recueillissent les fruits. Ce fut aussi par leurs moyens qu'il continua de travailler au monastère qu'il avait commencé de ses propres mains. Et parce que le lieu manquait de pierres propres à bâtir, il fallait en aller chercher au confluent des deux rivières du Cher et de la Sauldre, où toutefois personne n'osait aborder, à cause que les démons, par plusieurs horribles fantômes, troublaient les ouvriers qui en voulaient tirer. Le saint, par la vertu divine, les chassa de là. Ainsi, il donna liberté tout entière à ses ouvriers de tirer la pierre qui leur était nécessaire. Et ce qui fut plus admirable, c'est que les démons, s'étant une fois mis sur de grosses pierres pour empêcher les ouvriers de les tirer, et ayant rompu les chariots dont ils se servaient pour les transporter, le saint contraignit les démons de les traîner eux-mêmes jusqu'au lieu du bâtiment, à quoi les malins esprits se soumirent par la vertu du Tout-Puissant, auquel toutes les créatures obéissent. Voilà le commencement de la fondation de l'abbaye et de la ville de Celles, qui a été ainsi appelée à cause des cellules et des maisons que saint Eusis fit bâtir, tant pour les religieux que pour les prisonniers de guerre qu'il avait rachetés, et pour les autres qui aimèrent mieux demeurer avec lui que de s'en retourner en leur pays. Pendant que ce monastère croissait en biens temporels, il augmentait aussi en nombre de religieux que le saint abbé instruisait et animait en la vertu, tant par ses paroles que par son exemple. De sorte que nonobstant son âge déjà avancé, il redoublait sa ferveur et ses austérités au lieu de les diminuer. Il eut révélation du jour de son départ de cette vie, de quoi il avertit les religieux, s'étant donc fait porter dans la petite chapelle dédiée à la Sainte Vierge Marie la patronne, il fit une confession très humble de sa foi, puis il reçut les sacrements de l'Église, et pendant qu'il s'occupait intérieurement à témoigner à Dieu les ardents désirs qu'il avait de le voir, il parut au milieu de l'assemblée un homme vêtu en évêque avec une merveilleuse clarté, qui, après une oraison qu'il fit, commanda que le saint fût porté dans sa cellule. Cependant, le saint couché sur la cendre, adressant la parole à ce personnage qui paraissait tout lumineux, lui dit « Seigneur, commandez à mon âme de sortir. » Et aussitôt il décéda parmi les prières et les larmes, non seulement des religieux, ses chers enfants, mais encore de toute l'assemblée de devant laquelle cet évêque inconnu rempli de clarté disparut aussi avec l'étonnement de chacun. Ce qui fit croire que c'était notre Seigneur ou un ange qui, sous cette figure d'évêque, emporta l'âme bienheureuse de notre saint dans le ciel. Son décès arriva le 27 du mois de novembre 542, après avoir très saintement vécu et très bien gouverné son monastère l'espace de 14 ans, depuis qu'il fut élu abbé en la place de son maître Saint-Séverin. Le corps de Saint-Eusy fut enterré fort solennellement dans l'oratoire qu'il avait lui-même édifié et dédié à la très sainte Vierge, où reposent encore aujourd'hui ces reliques que l'on a conservées. On peut dire qu'à l'imitation du sauveur de nos âmes, il était comme le lys entre les épines. Et si cette fleur, quoique très aisée à déchirer, ne l'est pourtant point par toutes les pointes qui l'environnent, Saint-Eusy de même n'était point offensé par les calomnies les plus noires ou par les outrages les plus sanglants. Au contraire, celui qui s'est tiré le bien du milieu des maux a voulu que l'envie ait été la source de sa propre gloire, le sujet de la sanctification de son serviteur et de la conversion de ses ennemis. Ceci est un enregistrement sous licence paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique.